Les petites histoires de Tell Me. Décide-moi un monstre. Romane était assise devant son bureau. Comme tous les matins, avant de partir à l'école, la petite fille de 10 ans, cheveux châtains et yeux en amande, dessinait ses rêves de la nuit passée. Les créatures qu'elle avait croisées dans son sommeil l'avaient tellement émerveillée qu'elle voulait absolument les revoir. Une fois terminée, Romane observa ses dessins avec attention. Fière d'elle, elle descendit les escaliers 4 à 4. Maman, regarde! De quoi tu rêvais cette nuit? Là, c'est Archie, un monstre tout bleu, moitié cochon, moitié oiseau. Il fait un peu peur comme ça, mais il est très gentil et adore manger. L'autre là, c'est Craspouille, un chien tout vert avec 4 oreilles et 6 pattes, qui bave partout. Et le dernier, Pilus, une boule de poils toute noire avec 2 grands yeux qui rebondit partout. Monsieur Bellepad va être super fier de toi. Tu crois? Mais oui, n'oublie pas de lui amener au prochain cours de dessin. Prête pour l'école? Oui. Tu rentreras avec le bus ce soir, je risque de finir tard. D'accord. Après une journée remplie de français, de maths et de sport, Romane rentra chez elle, impatiente de retrouver ses dessins. Elle ouvrit la porte et resta figée sur place. Le canapé était retourné, les cadres de travers, la lampe du salon par terre. D'un coup, la porte de la cuisine s'ouvrit brutalement et une boule noire fonça en direction de Romane. La jeune fille se coucha sur le sol et l'évita de justesse. Lorsqu'elle releva les yeux, elle la vit qui rebondissait partout. Pilus ? La créature fila par les escaliers pour rebondir bruyamment dans le couloir du premier étage. En se relevant, Romane jeta un œil vers la cuisine et fut sidérée. Sur la table, un petit monstre bleu était en train de dévorer un paquet de céréales. Il en avait autant dans la bouche que sur le visage. Archie ? La créature leva les yeux sur Romane avant de replonger le groin dans son festin. Soudain, quelqu'un sonna. Romane sursauta et trébucha sur quelque chose de mou. Aussitôt, une langue immense vint lui lécher le visage. Craspouille, mais arrête ça tout de suite! Le chien verdâtre repartit en courant à travers la maison. Romane se releva en s'essuyant le visage. On sonna à nouveau, avec insistance. C'est vraiment pas le moment. Discrètement, la jeune fille s'approcha de la porte et se hissa sur la pointe des pieds pour regarder par la lucarne. C'était Monsieur Bellepat, son professeur de dessin. Romane, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Comment savait-il qu'elle était là? Après un moment d'hésitation, elle entrouvrit la porte. Monsieur Bellepat était un homme d'environ 40 ans, très grand, et toujours vêtu d'un élégant costume, taillé sur mesure. Bonjour, monsieur. Bonjour, Romane. Je peux entrer? Derrière elle, Craspouille était en train de jouer avec un coussin du canapé. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas le moment, parce que... Parce que les créatures que tu as dessinées ont mystérieusement pris vie et qu'elles mettent un bazar pas possible? Romane resta bouche bée. Son professeur rigola et entra dans la maison. Dis donc, ils n'ont pas fait semblant. Dans le séjour, Craspouille mâchouillait la télécommande pendant qu'Archie attaquait son deuxième pot de confiture. Waouh, ils sont magnifiques, Romane. Merci. Il y en a encore un autre à l'étage. Impressionnant. Mais, monsieur, comment vous avez su ce qui se passait? Dès notre première rencontre, Romane, j'ai compris que tu étais comme nous. Comment ça, comme vous? Une imagine un monstre. Une quoi? Une imagine un monstre. Partout dans le monde, il existe des personnes capables d'interagir avec leurs dessins. Toutes débordent d'une imagination incroyable, mais surtout, veulent absolument donner vie à leur création. Tout en s'approchant de Craspouille, le professeur continua ses explications. Il y a plusieurs types d'imagina monstres. Tout d'abord, les dessinateurs, comme toi, capables de donner vie à leurs œuvres. Ensuite, il y a les effaceurs. Mais je n'ai jamais eu confiance en ces gens. C'est toujours plus simple d'effacer que de créer. Et vous, vous êtes un dessinateur? Non, je suis un dompteur. Nous sommes là pour vous aider à contrôler vos créations. Et ce n'est pas toujours simple. Monsieur Bellepat s'approcha de Craspouille qui se mit à grogner. Le professeur s'agenouilla et poussa des sifflements étranges. Tout de suite, Craspouille se figea, avant de sombrer dans un profond sommeil. Waouh! Vous ne lui avez pas fait de mal au moins? Non, un bon dompteur ne fait jamais de mal aux créatures. Allons chercher les autres. Ils se dirigèrent vers la cuisine où ils trouvèrent Archie occupé à dévorer un pot de cornichons. Le professeur sortit une tablette de chocolat de sa poche. Le monstre bleu leva son groin, étonné, un cornichon dans la bouche. Monsieur Bellepat tendit la tablette. Archie s'approcha, méfiant, et d'un coup engloutit la totalité de la barre chocolatée avant de s'en aller roupiller dans un coin de la pièce. Parfait. Alors, où se trouve le dernier? À l'étage. Ils montèrent. En passant devant la chambre de Roman, ils entendirent un bruit étrange, comme si une balle rebondissait sur les murs. Monsieur Belpat entrouvrit la porte et la referma aussi sec. C'est vraiment une tornade, celui-ci! Tu as dû y mettre plein d'énergie! Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. Belpat sortit alors un miroir de sa poche, prit une grande inspiration et ouvrit la porte d'un coup, tout en brandissant le miroir devant lui. À l'intérieur de la chambre, le bruit s'arrêta net. Prudente, Roman regarda à l'intérieur. La pièce était sans dessus-dessous, un vrai carnage. Au pied du professeur, Pilus, du haut de ses 20 centimètres, ronronnait paisiblement en admirant son reflet. Roman n'en revenait pas. Son professeur se tourna vers elle avec un petit sourire de satisfaction. À chaque créature, sa solution. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Regarde. Le professeur prit délicatement Pilus et le posa sur une feuille blanche. Petit à petit, celui-ci reprit sa place sur la page comme le dessin qu'il fut auparavant. Il pourra revenir? Bien sûr, tu n'as qu'à le dessiner à nouveau. Et ça marchera avec tous mes dessins? C'est ce que je t'apprendrai au prochain cours. Je vais devoir m'en aller, mais avant, je vais remettre Craspouille et Archie à leur place. On se voit bientôt. Restant dans sa chambre à observer Pilus immobile sur sa feuille, Roman entendit le professeur quitter la maison. Elle pensa alors à tout ce rangement qui l'attendait en bas et paniquée courut vers les escaliers. Roman ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oups, trop tard. C'était une histoire de Thomas le Petit Corps, racontée par Alice Fraboulet et Arnaud Guillot. Habillage sonore, Léa Chevrier. Vous avez aimé cette histoire ? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt.